détruisent ou quoi. Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Música, música en francès, el que a partir d'aquests moments teniu en aquesta sintonia. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comença Hola la Music, el programa destinat a la música cantada en francès. Com sempre, la nostra introducció a la música amb French Gaul i el seu tema anomenat precisament Music, que ens encanta i per això el fem servir cada vegada per començar el nostre programa. Però avui la primera protagonista serà precisament també la French Gaul, aquesta cantant francesa, nascuda a París el 9 d'octubre del 1947. Ella ens portarà una cançó que és la que ens recomana la nostra col·laboradora, la Norma, per aquesta setmana, la cançó anomenada Evidentment. Y a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. La música de la French Gaul i aquest Evidentment que acabem d'escoltar com a primera de les propostes per al programa del dia d'avui. A continuació, dues cançons més que escoltarem de dos àlbums que hem estat repassant les darreres setmanes. El primer d'ells, Listen to the Difference, Big Hits, les versions franceses de grans èxits internacionals. Avui ens acompanyen en Claude Nougaro, en Tu Ferra, o qui serà, i Aviva Anshuki, que ens portaran l'Hotel California. Tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras,

Així escoltàvem l'Oliver Ruiz, aquesta cantant nascuda a Carcassona, criada amb el Cafè Familiar, on guarda una excel·lent etapa, també musical, òbviament, d'arrels, com indica el seu cognom espanyol, és Oliver Ruiz, amb aquest tema que recordava des d'aquest àlbum d'homenatge a la Bàrbara. Seguim a través d'Ola la Music i ara amb la col·laboració setmanal de l'Àngel Rodríguez. Benvingut, Àngel. Què tal, Rafael? Caroline Costa va néixer el 1996 a l'Occitània, concretament a la població de Moissac. A França és coneguda no només per ser cantant, sinó també per ser presentadora de televisió i en programes que tenen molt d'èxit. El seu debut a la música és de ben jove. Als 6 anys ja va sortir a l'escenari en una gala benèfica. Després d'algunes experiències, va decidir emprendre el seu camí en solitari l'any 2010. Avui us proposo d'aquesta peça apareguda el 2017, Maintenant. Il faut faire des plans pour après. Décaler le bonheur à plus tard. Ne rien laisser au hasard. Il faut regarder droit devant. Ne jamais s'arrêter longtemps. Et négliger le présent. Négligez-nous. On se laissera pas faire. On ouvrira nos yeux au moment éphémère. Et à deux on dira c'est des projets t'en as pas. Tu te laisses porter au gré du courant. Tu t'attaches à ce que tu maîtrises. Et ce qui t'échappe, tu le méprises. Ce que j'aime, voilà, quand on te côtoie, c'est qu'on se laisse porter par l'instant. Quand le monde ne parle que d'avenir. Quand le monde ne parle que de nous prémunir. Nous, on se laissera pas faire. On ouvrira nos yeux au moment éphémère. Et à deux, on dira c'est maintenant, regarde-moi bien. Maintenant, y aura pas de demain. J'aime, j'aime quand on se rappelle que l'essentiel n'est pas éternel. C'est maintenant, regarde-moi bien. Maintenant, y aura pas de demain. J'aime, j'aime quand on se rappelle que l'essentiel n'est pas éternel. N'est pas éternel. N'est pas éternel. J'aime, j'aime quand on se rappelle que l'essentiel n'est pas éternel. C'est maintenant, regarde-moi bien. Maintenant, il n'y aura pas de demain. J'aime, j'aime quand on se rappelle que l'essentiel n'est pas éternel. Després de la col·laboració de l'Àngel Rodríguez, seguirem amb el nostre espai i ho farem amb un àlbum que recordarem a través de la música d'un excel·lent artista que ja ens ha acompanyat amb algun programa i que precisament l'Àngel ens va descobrir en un dels seus programes, la cantant Sazí, nascuda el 18 d'abril de 1964, i que ens acompanyarà amb alguna de les cançons d'un àlbum del 2001 que avui recordarem, com per exemple aquesta, que n'és la primera que avui us oferim. Je vends mon auto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douceur. Je sauve ma peau, vends mon diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles et vends la maison. Escoltarem amb el programa d'avui els quatre senzills que aquesta excepcional intèrpreta va publicar amb aquest el seu quart àlbum. De fet, el cinquè, si escolta un àlbum en directe que també va publicar. Zazie, nascuda a Boulogne-Billancourt, a França, el 18 d'abril del 64, de nom real Isabel de Truchis de Varennes, cantant, compositora, model, coproductora dels seus propis àlbums i molt coneguda per haver aconseguit nombrosos números 1 a les llistes de vendes i per haver protagonitzat grans gires per tot el país. Va escollir com a nom artístic el de Zazie en referència a la protagonista de la novel·la de Ramon Queneau, El Zazie al metro. La seva mare era professora de música i el seu pare, Hervé de Truchis de Varennes, arquitecte. Va tocar el violí durant 10 anys, així com el piano i la guitarra, i la seva atracció per l'escriptura va sorgir a poc a poc. A l'edat de 4 anys ja en va escriure la seva primera cançó i la seva primera obra de teatre als 8 anys. Tot una figura, doncs, de la música que avui ens acompanyarà amb aquest àlbum, possiblement el més exitós a nivell també de vendes de la seva carrera, més de mig milió. El 2001 publicava La Sisa, aquest àlbum que escoltem avui, que tenia senzills com aquesta Rue de la Paix, que ens acompanyava des del mes d'octubre del 2001, i la resta de senzills, dos extrets al 2002 i un al 2003. Ens acompanya la seva música amb aquests senzills apareguts del seu quart àlbum, Zazie, l'artista francesa des del 2001. Péché originel. j'endure les petites morts sur les blessures. J'écris ma peur, mon manque d'amour. J'écris du cœur, mais c'est toujours sur ce que je n'ai pas pu dire, pas pu vivre, pas su retenir. J'écris en vers et contre tous, c'est toujours l'enfer qui me pousse à jeter l'encre sur le papier, la faute sur ceux qui m'ont laissé écrire. C'est toujours reculer l'instant où tout s'est écroulé. On n'écrit pas sur ce qu'on aime, sur ce qui ne pose pas problème. Voilà pourquoi je n'écris pas sur toi. Rassure-toi. Moi j'écris sur ce qui me blesse, la liste des forces qu'il me reste, mes kilomètres de vie manquée, de mal en prose, de vers brisés. J'écris comme on miaule sous la lune, dans la nuit je trempe ma plume. J'écris l'abcès, j'écris l'absent, j'écris la pluie, pas le beau temps. J'écris ce qui ne se dit pas sur les murs, j'écris sur les toits. Écrire, c'est toujours revenir à ceux qui nous ont fait partir. On n'écrit pas qu'on manque de rien, qu'on est heureux, que tout va bien. Voilà pourquoi je n'écris pas sur toi. Rassure-toi. J'écris quand j'ai mal aux autres, quand ma peine ressemble à la vôtre, quand le monde me fait le gros dos, je lui fais porter le chapeau. J'écris le blues indélébile, ça me paraît moins difficile de dire à tous plutôt qu'à un et d'avoir le mot de la fin. Il faut qu'elle soit partie déjà pour écrire ne me quitte pas, qu'il ne vive plus sous le même toit, pour qu'il vienne lui dire qu'il s'en va. Pas la chance qu'on a, pas de chanson d'amour quand on en a. Voilà pourquoi, mon amour, je n'écris rien sur toi. Rassure-toi. Ritmes preciosos de les cançons de Zazie, qui ens acompanyava també amb aquesta cançó, aquest Surtuó, un altre dels senzills, el tercer. Dins del 2003 ja, dos anys després de la realització del disc, va aparèixer el darrer dels senzills. Una altra fantàstica cançó que aquest artista ens ha acompanyat en el dia d'avui. Després ja també tindrem la tercera col·laboració del dia amb en Ciril Torres. Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. La vida no us ha pas demandé notre avis. On en prend plein la gueule, on n'en parle plus. Alors on crime toute la semaine en attendant samedi. Quand on retrouvera nos rêves partis, on sort de notre poids. Alors on danse avec les Arribant a la meitat del nostre programa, és el moment, una setmana més, de convertir la sapiència musical i sobretot també de música en francès d'arreu del món amb en Ciril Torres, que ens acompanya des de fa tantes setmanes que ja hem perdut el compte. Ell ens obsequiarà avui amb una altra de les cançons que ens aporta i que ens recomana i que ens permet descobrir a través d'Olala Music. Benvingut, Ciril. Gràcies, Rafael, i hola a tothom. Doncs aquí estem novament a Olala Music, doncs compartint música, compartint sensacions i compartint sovint intuïcions o records, perquè la música, doncs, que fa probablement un segle, segle i mig que es grava, doncs això permet recuperar-la i compartir-la, i d'aquí doncs s'alimenten les ràdios i tots els que compartim els diferents estils musicals. Ens anem a també el que és una barreja de molts estils musicals, el que és la música en el seu estat pur, música de festa, música de nit, música per ballar, i amb una formació africana, francesa, que recupera, doncs, o que aglutina els ritmes, el sucus africà, tots els ritmes antillesos i caribenys, la soca, el zouk i amb clau de hip-hop i tot el que seria, doncs, l'explosió que va ser finals dels 90, primers del segle XXI, arran de, jo sempre dic que, doncs, segurament Manu Chao va obrir una seta i allò va generar una fusió on hi havia molta cosa dubtosa, però també, doncs, ha permès per posar o fer visible moltíssima gent. Ells són Magic System i recuperen, doncs, tot el cupé calé africà i, com us deia, tota la música antillesa. I el tema frenètic d'avui és On sait jamais dans la vie, no se sap mai en la vida. De musique où on parle de Magic System, y'a Leslie et Cindy. Vous me l'avez dit sans crainte et m'avez offert un espoir en perte de vue. Non, si vous saviez à quel point je voyais en vous ce que voulait vraiment dire la vie. Et si jamais je m'étais envolé, j'apporte j'en ai pas. Et pourtant c'est mes vieux jours que je vais finir là-bas. Original créole, mais surtout qui n'oublie pas d'où je viens, mes ancêtres, mes origines et tout ça. Ma vibe, c'est un mélange de reggae dans Bolo. Ma vibe, partie des West Indies, des groupes de flow. Un special big up to Magic System et les gars. C'est sur Fanchu, ma gueule Leslie. Allez, c'est parti. Ok. Esteu escoltant Ulala Music. Ulala Music, el programa que us acompanya amb la música en francès i que ja està arribant al seu final. La Sazie ens havia acompanyat amb el seu disc i avui també escoltarem per acompanyar-vos algun altre d'aquests artistes que ens, de tant en tant ens descobreixen diferents protagonistes del nostre espai. I ara mateix és el que farem, perquè per arribar al final, Michel Vergent serà el protagonista. Pour me comprendre, el seu títol, el títol de l'àlbum que avui recordarem amb tots vosaltres. També alguna de les cançons que forma part d'aquest magnífic disc i d'un dels millors compositors, productors, arrangistes, pianistes i cantants, nascut el 1947 i que va morir massa aviat el 1992. Un soir des brouillons dans leur cachette pour voir. Tu sortiras les disques de leur pochette. Notre histoire, tu la verras défiler dans ta tête. Alors chute, doucement un doigt devant ta bouche et lutte, efface de ta mémoire ces mots qui nous touchent, brute, ces images qui nous plongent dans la solitude. Écoute ce qu'il reste de nous, immobile et debout, une minute de silence, ce qu'il reste c'est tout, de ces deux cœurs immenses et de cet amour fou. Et fait quand tu y penses, en souvenir de nous, minute de silence. Écoute passer mes nuits blanches dans tes volutes de fumée bleue. Cette minute de silence est pour nous deux. Cet amour fou et

quelque chose. Yeah.